principal qui a permis de fixer l'histoire, c'est-à-dire la structure et l'intrigue. Les nombreux manuscrits retrouvés du roman d'Apollonius de Tyr sont rédigés pour la plupart en latin, et le plus ancien que nous possédons date de la fin du 5e, début du 6e siècle de notre ère. Pourtant, Michel Zinc a démontré hier que le manuscrit original est grec. Et ce serait même à coup sûr un roman de la grande période du roman hellénistique, c'est-à-dire datant du 3e siècle. Ce roman grec appartient pourtant de plein droit à la latinité. Et Michel Zinc concluait que son transcripteur latin était chrétien à cause du grand nombre de citations issues de la Bible dans la traduction de Saint Jérôme. Mais comment expliquer l'incroyable fortune de ce texte et surtout la souplesse avec laquelle il s'adaptera si bien et pendant si longtemps au contexte médiéval? C'est ce point que Michel Zinc va traiter pour nous ce matin. Je vais parler du succès et de la réception de l'Historia au Moyen-Âge. Jusqu'ici, nous étions dans la pré-Historia, si j'ose jeu de mots lamentable, n'est-ce pas ? Et nous allons parler maintenant de sa réception. Et je compte terminer en montrant que c'est un roman du destin, et que c'est parce que c'est un roman du destin que c'est un roman des tempêtes et des naufrages. Ce qui a probablement surtout été éliminé, c'est le rôle joué par l'astrologie et les croyances païennes, et je dis surtout parce que tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons dit jusqu'ici confirme que le récit que nous lisons est bien la version latine, abrégée et christianisée, d'un original grec païen plus développé. Alors, cette version abrégée, cette épitomée, le Moyen-Âge, nous allons le voir, l'étoffera à nouveau à sa manière. Et nous verrons comment les choix des différentes versions. Il réétoffera, si je puis dire, les relations entre Antiochus et Apollonius, en créant un lien entre eux antérieur à la tentative d'Apollonius pour résoudre l'énigme. Il étoffera la période correspondant au séjour d'Apollonius en Égypte. Il mettra bien le doigt sur les passages qui nous semblent effectivement abrégés et réduits. Mais cette réduction était probablement nécessaire. On peut penser que la conservation du récit et son transfert du monde hellénistique au Moyen-Âge occidental était peut-être au prix de cette sorte de lyophilisation, si je puis dire. Enfin, il fallait réduire, il fallait dessécher pour que ce soit transportable. Voilà. La chair du récit ne pouvait que se gâter et devenir inassimilable dans son nouvel environnement. Voilà. Elle n'aurait pas été comprise, elle aurait échappé et le tout aurait disparu. Tant de choses y auraient été incompréhensibles. En revanche, le squelette pouvait de nouveau être garni de chair une fois qu'il était débarrassé de ces éléments qui auraient été des obstacles à, j'allais dire, à son assimilation. Mais alors si j'en suis au squelette, n'est-ce pas, la métaphore alimentaire n'a plus de pertinence. Et puis, l'enchaînement d'une narration rapide et avare d'ornements s'accordait aussi avec la manière de cette littérature à nouveau débutante, et même avec la pente syntaxique des jeunes langues romanes, qui est cette pente de la narration rapide, la succession par coordination, et puis, alors, et non plus l'amplification la rhétorique de la latinité classique. Mais, encore une fois, à mesure que s'écoulent les siècles du Moyen-Âge, l'histoire sera à nouveau amplifiée, enrichie, fouillée, mais dans un esprit nouveau. En 821, un catalogue de la bibliothèque de Reichenau recense un Apollonii volumen, donc dans cette île du lac de Constance, enfin de l'Untersee, qui, avec ce monastère si fameux, si important, que par une fausse étymologie, ont Aos, c'est donc le nom d'une région dans le Germanique, vous savez, toutes ces régions, Sundgau, etc., qui est Arao, qui s'appelle ainsi, mais on comprenait Reichsaug, n'est-ce pas, cette île au milieu du lac, était l'œil du Reich, l'œil de l'Empire, n'est-ce pas. Et bien donc, dans ce centre culturel de l'Empire, il y avait un Apollonius dès 821. Vers le milieu du IXe siècle, le marquis Évrard de Frioul, alors on redescend de l'autre côté des Alpes, si vraiment l'origine est italienne, Évrard de Frioul, qui était un homme cultivé, partage sa bibliothèque entre ses 7 enfants, et il lègue à sa fille aînée, Engelruth, un Apollonius. Et puis, au siècle suivant, est composée une version en vers, Gesta Apolloni Registiri Metrica. Et les plus anciens manuscrits de l'Historia Apollonii qui nous sont parvenus, là je vous parle de manuscrits qui sont mentionnés indirectement, mais les plus anciens à nous être parvenus datent du IXe siècle et ils semblent provenir de milieux monastiques irlandais ou anglo-saxons, en tout cas de milieux monastiques insulaires installés sur le continent. Vous savez, comme c'est le cas de Saint-Vendry d'ailleurs, vous savez que c'est un mouvement de très important, pas, de l'évangélisation et de l'acculturation de l'Occident médiéval, que l'Irlande a été évangélisée très tôt, et que la Germanie et une partie des Gaules septentrionales ont été évangélisées à partir de l'Irlande, n'est-ce pas, en remontant là, jusqu'à Saint-Gall, si vous voulez. Et donc, il semble que l'histoire du texte suive ce mouvement avec le manuscrit de l'abbé Vandeau et ces 2 ou 3 manuscrits d'origine insulaire que nous connaissons, n'est-ce pas. Comme dans Anatole France, n'est-ce pas, le bienheureux loup apôtre des Gaules septentrionales qui a fondé le siège de Roubaix, je ne sais plus si c'est Roubaix ou Tourcoing, enfin, c'est pas un endroit où il n'y a jamais eu d'évêque. Enfin, bon, si vous êtes amateur de la série L'Orme du Mail, l'Anneau d'Améthyste, etc. Et puis, non seulement ça, mais les plus anciens manuscrits qui mêlent les 2 rédactions, R.A. et R.B., et donc qui supposent un travail sur le texte, ne sont pas plus récents, ou ne le sont guère. 10e, 11e siècle, pour un manuscrit de Budapest, de la version longue, fondée sur R.A. 9e siècle, pour un fragment conservé à Munich, de la version mixte, mais fondée principalement sur R.B., dite recension de Tegernsee. Et, je l'avais dit dès le début du cours, toute recension confondue et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, nous connaissons actuellement plus de 115 manuscrits de l'Historia et on en retrouve encore assez fréquemment. Il n'est donc pas étonnant qu'au XIIe siècle, le grand chroniqueur du royaume latin de Jérusalem, Guillaume de Tyr, mentionne à propos de la ville de Tyr, dont il a été archidiacre puis archevêque, Apollonius, gesta cuius celebrem habent et late ulgatam historiam, Apollonius, donc Apollonius de Tyr, dont les faits et gestes ont fait l'objet d'une histoire célèbre et largement diffusée. Et cette histoire célèbre n'est pas seulement largement diffusée, elle est constamment réécrite. Réécrite d'abord en latin, et mon d'abord n'est pas seulement chronologique, mais de simple classification, parce qu'on n'a pas cessé de la réécrire en latin. J'ai déjà mentionné les Gesta Apollonii en vers du Xe siècle. Au XIIe siècle, on la trouve insérée dans 2 compilations importante, dans le Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer vers 1120, sous la rubrique Inclita Gesta Pi Regis Apollonii, les faits illustres du pieux roi Apollonius, et à la fin du siècle, dans le Panthéon de Geoffroy de Viterbe, sous le titre Chronica de Apollonio, et chez Geoffroy de Viterbe, le récit s'insère dans, c'est un ouvrage historique, entre la mort d'Alexandre d'une part, la révolte des Maccabées et les guerres puniques de l'autre. Et vous voyez, façon exemplaire, le récit est tiré dans un cas du côté de l'exemplum, Inclita Gesta Pi Regis Apollonii, de l'autre du côté de l'histoire. Mais dès ce moment-là, est déjà en latin, il peut aussi être tiré du côté du romanesque. Vers la même époque, une version de l'Historia amplifiée à partir de la rédaction Herbé, de la rédaction corrigée, et une version qui a eu un certain succès, nous en avons 5 manuscrits, fait la part belle aux détails concrets et quotidiens, aux descriptions, aux conversations. Elle, je vous disais sur ce récit sec, elle l'amplifie à sa manière, mais elle l'amplifie dans cette direction de la bourre quotidienne qui crée le charme romanesque, si je puis dire, de cette façon impressionniste. Alors elle développe la conversation ou une conversation entre les 3 prétendants à la main de la princesse de Cyrène, la conversation entre la princesse de Cyrène, enfin entre la femme d'Apollonius et le médecin d'Éphèse, touchant son avenir. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'hésite, voilà. Oh, ben finalement j'ai entré au temple de Diane, voilà. Mais c'est longuement développé. Discours et considération du Léno, naturellement ça ajoute du charme et du piquant de faire parler le cynique proxénète, etc. Le propriétaire de la maison close. Je pourrais multiplier les exemples, mais je n'en donne qu'un que ceux d'entre vous qui suivent le séminaire connaissent. C'est le beau poème des Carmina Burana au Antioche Cour de Cipisme que j'avais commenté lors de la première séance du séminaire et qui est une sorte de résumé allusif de l'histoire. Les premières strophes se présentent comme une plainte d'Apollonius, ce qui confère au poème une tonalité à la fois subjective, amoureuse, élégiaque, qui est une autre façon de lui donner de la chair et une résonance, même si c'est sous une forme encore plus courte. Et puis ça continue, enfin je ne peux pas tout citer, ce sera ennuyeux, ça se trouve ailleurs, reportez-vous à la bibliographie, mais au XIVe siècle, l'histoire d'Apollonius de Tyr est insérée dans le recueil, je suis encore au latin là, au recueil d'exemplats empruntés à des sources antiques et médiévales que sont les Gesta Romanorum, et l'immense succès de cet ouvrage, sa traduction dans toutes les langues vulgaires, en français dans le Violier des histoires romaines, ce succès contribue largement à une diffusion encore plus grande de l'histoire d'Apollonius et à cette sorte d'envol romanesque à la fin du Moyen-Âge, que l'on constate pour d'autres récits. La fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle sont la grande époque de ces romans, mais Apollonius en est un exemple. Je dis de ces romans pour ne pas dire du roman comme genre, pour ne pas me faire épingler par Madame Elisabeth Archibald, hein, dont le contresens sur mon introduction dans mon petit livre m'a beaucoup mortifié, comme je vous l'ai dit. Et alors, on voit les développements et la façon dont, à cette époque, et ce qui retient, ce qui intéresse les différents compilateurs. Par exemple, dans un manuscrit qui est conservé à Colmar, la rubrique ne concerne que l'épisode initial. Ce qui a frappé le copiste ou le compilateur, c'est ce qui nous frappe, nous, c'est que c'est un roman de l'inceste. C'est assez rare. Voilà. De Antioco, qui filiam propriam cogdovit, et tantubeam dilexit, quod duluseam in uxorem abere potuit, nisi problema abeo propositum salueret. D'Antiochus, qui connut sa propre fille et l'aima tellement que personne ne pouvait la prendre pour épouse à moins de résoudre une énigme, un problème qu'il proposait. En revanche, oui, il s'agit de la version donc de Gesta Romanorum. Mais le manuscrit que suit l'éditeur classique Sterlet a une rubrique qui donne au récit une coloration édifiante. De tribulatione temporali, quin godium sempiternum postremo comoabitur. Des tribulations temporelles qui, à la fin, seront changées en joie éternelle. ce qui est, là encore, tire l'histoire d'Apollonius du côté de l'exemplum, mais la tire d'une certaine façon abusivement, parce qu'il n'est pas question de l'éternité dans le roman. Ça se termine, ils eurent beaucoup d'enfants, et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Enfin, c'est bon. À peu près. Alors, j'en reste là pour le latin, mais encore une fois, l'Historia elle-même continue à être copiée dans de très nombreux manuscrits jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et dans ces manuscrits aussi, quand on les prend l'un derrière l'autre, on voit qu'elles figurent tantôt parmi des textes historiques, tantôt parmi des textes religieux, et ça confirme l'hésitation sur son interprétation, qui se manifeste aussi, je viens de le dire, dans les choix opérés par ces adaptations, et même dans le libellé de leur rubrique. Et dans les langues vernaculaires, la situation est encore beaucoup plus complexe. Tant de textes, tant de langues. Je l'ai dit, ça a été les premiers mots de mon cours. La plus ancienne version, c'est la traduction littérale en prose anglo-saxonne dont nous possédons deux fragments, le début du roman et l'extrême fin, et qui est probablement du XIe siècle. Le manuscrit est de l'extrême fin du même siècle. Le roman, le fameux roman en vers français dont nous avons une quarantaine de vers, le fragment de Danzig, dont je ne cesse de parler. J'avais dit aussi en commençant que l'œuvre vernaculaire qui a eu la plus grande résonance, la plus grande importance dans son ère linguistique, c'est la version castillane, le Libro de Apollonio du XIIIe siècle, qui est un poème, d'ailleurs, assez curieux parce que la métrique est une métrique d'origine occitane ou française. Mais c'est un texte castillan et c'est un texte proprement édifiant. L'ouvrage est vraiment tiré du point de vue de l'édification morale et religieuse. Et à propos de du fameux fragment de Danzig, on a tendance à lui accorder une extrême importance, parce que, comme il est visiblement ancien, on tend à croire que les allusions à l'histoire d'Apollonius qui se multiplient en français et en occitan à partir du XIIe siècle renvoient à ce roman. Et c'est ce qu'admettait Maurice Delbouille. Mais il est difficile de savoir si elle renvoie au roman ou à l'Historia. Pourtant, tout à l'heure, je vous donnerai un exemple d'une de ces citations qui, à mon avis, ne peut renvoyer qu'au roman et pas à l'historien, dans le poème moral. Mais pour les textes les plus anciens, c'est difficile à savoir. Par exemple, pour Floire et Blanche-Flore, dont j'ai déjà parlé, où il y a l'histoire du faux tombeau ou du tombeau qui est supposé abriter une morte qui en réalité est bien vivante, etc. Ça vient certainement d'Apollonius. Floire et Blanche-Flore remonte à la première moitié du XIIe siècle, peut-être 1137 déjà, selon notre collègue Arianna Ponzi, mais dans le cas de Floire et Blanche-Flore, il est absolument impossible de savoir si la source c'est l'Historia ou le roman. En dehors, bon, de Floire où il n'y a que ce détail, en dehors du cas de Tristan qui est le plus important, mais que je traiterai à part à la fin du cours, parce qu'il entraîne toutes sortes de conclusions qui seront presque l'essentiel de ce que nous pouvons tirer d'Apollonius, on a pu considérer que, pour en rester au Moyen-Âge français, deux autres œuvres narratives empruntent à l'histoire d'Apollonius de Tyr. Et je ne vous donne que ces deux exemples. Pour l'une, l'emprunt est superficiel et peut-être douteux. Pour l'autre, il est au contraire tout à fait évident. La première, c'est la chanson de geste occitane de Dorel et Beton, qui est du milieu du XIIe siècle. C'est un poème dont la fin est perdue, c'est une des rares chansons de geste occitane que nous possédons. C'est un poème qui se rattache à la chanson de geste de Boeuf de Hanton, c'est le cycle de Don de Mayence. Et alors dans cette histoire, le jongleur Dorel et sa femme Béatrice sauvent Beton, le fils du roi Boeuf, traîtreusement assassiné par le comte Guy, qui convoite sa femme, la femme du roi Bœuf. Enfin bon, il convoite la femme du roi Bœuf, il assassine le roi Bœuf. Il veut tuer aussi le petit Dorel, fils de Bœuf, le petit Beton. Mais le jongleur Dorel et sa femme Béatrice le sauvent, et en sacrifiant leur propre fils. Le font passer pour Beton et c'est lui qui est tué. Dorel emmène Beton jusque chez le roi de Babylone qui l'élève, et devenu grand naturellement, il tirera vengeance du comte Guy. Alors il y a un épisode où à la cour de Babylone, la noblesse de Beton est mise à l'épreuve. Est-il bien d'aussi grande noblesse, enfin est-il noble comme il prétend l'être? Il doit jouer d'un instrument et chanter devant une princesse. Ce qui est son métier, puisqu'il est élevé par un jongleur qu'il fait passer pour son fils. Et alors, c'est l'épreuve, parce que s'il accepte d'être payé, comme un jongleur l'accepte et le recherche même, à ce moment-là, il apparaîtra qu'il est de basse naissance. Mais s'il refuse d'être payé, sa noblesse sera établie. Alors, en un sens, le rapprochement avec Apollonius devant la princesse de Cyrène existe. Il est lointain, d'autant plus qu'Apollonius accepte sans difficulté les présents du roi de Cyrène. Mais on voit bien tout de même le rapprochement et le fait que la question de l'origine d'Apollonius et de sa noblesse se pose, puisqu'il débarque à Cyrène nu comme un ver, sans aucune preuve de son identité, et qu'il épouse la princesse. Mais dans l'historien, naturellement, jamais l'auteur du VIe siècle, ni probablement le modèle du IIIe, n'aurait imaginé cela, que le fait d'accepter ou non de se faire payer est le signe de la noblesse. Et tandis que voilà un exemple où l'imagination médiévale joue à partir d'un schéma qui est modifié. Voilà, c'est un moyen pour lui, dans une circonstance où, pour le héros, où il apparaît précisément pour comme un jongleur, ce que tout le monde croit qu'il est, de montrer quand même qu'il est noble par ce refus du paiement. Alors, l'influence d'Apollonius est beaucoup plus nette sur une autre chanson de geste, une chanson de geste française, Jourdain de Blaye, une chanson du XIIe siècle, puis une version en alexandrin du XIVe siècle, et là, ça ne fait aucun doute, mais cette chanson elle-même a une parenté avec Dorel et Beton, de sorte que le tout va ensemble. Alors, vous allez voir, ça ressemble à Dorel et Beton, le traître Fromont tue les parents de Jourdain de Blaye. Le parrain de Jourdain, Régnier, et sa femme Érambourg, tombés aux mains de Fromont, livrent leur propre fils à la place de Jourdain, et Fromont le fait décapiter. Jourdain, ayant grandi, entre au service de Fromont sous l'identité du fils de Régnier, puis il entre en guerre contre lui, tue son fils. Régnier, Rambourg et Jourdain s'embarquent sur la mer. Séparation, captivité, duel entre Régnier et Jourdain qui ne se reconnaissent pas, donc version atténuée du fameux combat du Père et du Fris qui peuple la littérature médiévale depuis le Hildebrandslied. Régnier, à la fin, deviendra, tout finit bien, oui, puis alors, naturellement, belle princesse Sarrasine, amour, etc., tout finit bien, Fromont sera mis à mort, Régnier sera seigneur de Blaye, et Jourdain, empereur de Constantinople. Alors, à un moment, Jourdain est capturé par les Sarrasins, mais il saute du bateau, et il gagne la terre accroché à un tronc d'arbre qui se trouvait là providentiellement. Un pêcheur lui donne la moitié de son vêtement, donc vous voyez là la source ne fait pas de doute. Il entre au service du roi du pays, dont la fille, la princesse Oriabelle, s'éprend de lui. Donc tout fonctionne. Elle l'aide à défendre le pays de l'attaque des Sarrasins, il l'épouse, il s'embarque avec elle, donc vous voyez, c'est absolument l'histoire d'Apollonius de Tyre, sauf que Jourdain fait ses preuves militaires en se battant contre les Sarrasins. Ce qui manque à Apollonius, nous verrons combien c'est important. Il l'épouse, il s'embarque avec elle. Pendant le voyage, elle donne naissance à une fille pendant une tempête. Les marins exigent qu'elle soit abandonnée au flot dans un cercueil alors qu'elle est encore en vie. Elle échoue à Palerme, où un évêque veut l'épouser. mais elle refuse et se fait recluse. Alors, vous voyez comme Apollonius de Tyr est difficile à christianiser, n'est-ce pas ? Quand on essaye, on bute sur on a des difficultés, vraiment. Jourdain, pendant ce temps, laisse sa fille Gaudissette chez un père nourricier dont la fille jalouse l'a fait envoyer à Constantinople. Vous voyez, bon, l'empereur et son fils veulent tous deux l'épouser. Elle repousse les avances de l'empereur qui, furieux, l'envoie au bordel. Alors ça correspond à la fois à Apollonius et aux légendes hagiographiques dont je vous ai déjà parlé. Mais Jourdain, là, elle ne sauve pas sa virginité grâce à ses talents et son habileté comme Tarsia, mais son père arrive juste au bon moment pour la secourir. Tout le monde finit par se retrouver et Gaudissette épouse non pas le vilain empereur, mais le fils de l'empereur. Mais l'histoire de la fausse morte abandonnée au hasard des flots, et la fausse morte à la suite d'un accouchement se trouve ailleurs. On trouve ça dans le roman allemand de Händel, toujours fin 12e, début 13e. On trouve cela dans la légende de Sainte-Marie-Madeleine et du roi de Marseille ou du roi d'Aquilée, selon les versions. Et puis, on le trouve ailleurs. Il y a une histoire très étrange et très connue qui traite ce thème, mais l'héroïne n'est pas morte. On l'abandonne vivante, bien vivante, dans un tonneau. C'est l'histoire de la fille du comte de Ponthieu, qui a beaucoup intéressé parce qu'on trouve la même histoire au Japon. La fille du comte de Ponthieu et son mari vont en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Ils passent la nuit dans une auberge. Un matin, imprudemment, ils prennent les devants et ils partent sans être accompagnés par leur suite, leurs serviteurs, leurs gardes qui sont encore couchés. Dans la forêt, ils sont attaqués par des brigands qui attachent le mari à un arbre et violent la femme. Et ensuite, ils s'en vont. Et la femme prend l'épée de son mari qui est attachée et le mari croit qu'il va la délivrer, mais non, elle essaye de le tuer. Mais elle s'y prend si maladroitement qu'elle coupe les liens, donc le mari la maîtrise, font leur pèlerinage, ils rentrent chez eux, et ensuite les parents et le mari enfin décident qu'elle doit être punie, et on l'emmène en mer, et là on la met dans un tonneau, qu'on jette du bateau, et elle est abandonnée au hasard des flots. Enfin bon, finalement, elle finit par épouser un sultan, et de leurs amours naît Saladin. Alors vous voyez, c'est une histoire du XIIIe siècle, mais elle a été réintégrée dans le roman de Jean d'Avennes au XVe siècle. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est assez différent, mais c'est parce que vous avez, enfin, on voit plus le film qu'on lit le livre. Si vous avez vu ce film admirable qui est Rashomon, eh bien, vous avez reconnu l'histoire de Rashomon, mais dans la nouvelle d'Akukatawa, il y a un prologue qui se passe sous la porte Rashomon, qui est le début du film, et puis c'est une des nouvelles qui suit, c'est une des nouvelles qui raconte cette histoire. Enfin, il y a une sorte de réunion des deux dans le film. Alors évidemment, cette rencontre extraordinaire, vous avez dans l'histoire japonaise, le mari a été tué, et alors quelle est, il y a la version du brigand qui a été capturé, qui est que la femme était consentante, la version de la femme qui dit qu'elle a été violée, et on invoque les mânes, enfin du mari, qui dont le fantôme donne sa propre version. Ensuite, c'est vraiment très saisissant. Mais il y a eu un article de Madame Rita Lejeune sur la question autrefois, mais il y aurait encore des choses à faire, et la rencontre est vraiment très frappante. Cette fois-ci, je ferme vraiment la parenthèse. Alors, s'agissant non plus de l'influence d'Apollonius de Tyr sur d'autres récits, mais des allusions explicites qui font les œuvres littéraires, à partir de Vénance Fortuna, elles se comptent par dizaines. Et c'est déjà assez ennuyeux, là, ce que je vous raconte, mais en plus, c'est pas un scoop, enfin, je compile, n'est-ce pas ? Je ne vais pas tout énumérer. D'ailleurs, Elisabeth Archibald les a répertoriés très consciencieusement, page 217-233 de son livre. Je ne vais pas les énumérer à nouveau. J'en signale seulement ici trois ou quatre, dont on peut tirer des conclusions particulières, et allant au-delà un peu de ce qu'on en a dit. Je réserve les deux vers de Philoména, donc poème ovidien du XIIe siècle, sans doute de Chrétien de Troyes, qui est la première mention d'Apollonius en langue d'oïl, en dehors du fragment de Danzig, parce que ce sont deux vers que je commenterai en parlant de la relation entre Apollonius et Tristan, puisque cette citation réunit Apollonius et Tristan, et de façon très intéressante. Mais je signale d'abord ici la mention faite d'Apollonius dans le Cervantes Enseñamen, comme on dit, de Guiraud de Cabrera, Cabra Juglar. Donc ce sont des poèmes, on en a plusieurs, comme ça, dans le, entre la seconde moitié du XIIe siècle et la fin du XIIIe. Ce sont des poèmes occitans qui indiquent qui énumère les œuvres littéraires que doit maîtriser un bon jongleur ou un praticien de la littérature. Alors très souvent, donc ce sont des enseignements, des enseignements, souvent c'est sous forme satirique parce que le poète s'adresse à un jongleur ignorant à qui il reproche de ne pas connaître tout ce qu'il devrait connaître. Et à ce moment-là, on dit, enfin c'est pas très bon comme expression, on dit Cervantes, donc les Cervantes sont des poèmes satiriques ou polémiques en langue d'oc, Cervantes enseignements. Donc le premier qui en parle est celui de Guiraud Cabrera, Cabra Juglar, que François Pirot, qui l'a édité dans son livre « Recherche sur les connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des XIIe et XIIIe siècles, Barcelone 1972 », et qui est une étude et une édition de ces enseignements. Alors Pirot datait de 1150 environ, mais depuis il y a eu des travaux, en particulier de Stefano Cengolani, et qui montrent que c'est plutôt de la fin du XIIe siècle. Alors, il y a celui-là, il y a celui, beaucoup plus tard, de Bertrand de Paris en Rouergue, donc Bertrand de Paris, non pas de Paris en Ile-de-France, mais en Rouergue, entre 1270 et 1290, et puis on le trouve dans la chanson de geste de Don de Nanteuil, fin 12e, début 13e, et je réserve pour tout à l'heure le dernier et le plus important de ces enseignements dont Anna Maria Babi avait déjà parlé. Voici le passage de Guiraud Cabrera dans ce célèbre Cervantes. Donc il commence par Cabra Juglar, et où il reproche son ignorance à ce jongleur Cabra auquel il s'adresse. Donc, voyez le texte. « Ni del bon rey non sabes que fei d'Alexandrie fil Philippon, d'Apolluen non sabes re, questors de mar de Perison, de daereros que tan fa pros, quis defendet de trahison. » Et le roi vaillant, tu ne sais pas non plus ce qu'il a fait, Alexandre, le fils de Philippe, d'Apollonius, tu ne sais rien, qui échappa au péril de la mer, de Derleroux, cypreux, qui se défendit de l'accusation de trahison, etc. Derleroux est un personnage du roman de Thèbes. Et je réunis ces exemples parce que chaque fois, dans les trois exemples que je vais citer d'abord, Apollonius, et que vous avez là, Apollonius est associé aux romans antiques, enfin au sens où l'emploi est médiéviste, ou pour dire plus exactement, aux romans d'antiquité. Enfin, ces premiers romans français qui traitent de sujets empruntés à des œuvres de l'antiquité latine. Donc, Alexandre est cité dans les trois textes. Thèbes chez Guiraud Cabrera, nous venons de le voir, et chez Bertrand de Paris, et Bertrand de Paris cite aussi Tristan et le roi Marc. Alors vous voyez ici Apollonius qui, reconnaissable, enfin le point important c'est qu'il a échappé au naufrage, et il est cité entre Alexandre et le roman de Thèbes. Voici les deux passages de Don de Nanteuil maintenant, où, donc je cite par ordre chronologique, puisque Bertrand de Paris en Rouergue c'est beaucoup plus tardif, où tous les autres noms cités, y compris peut-être celui d'Antiochus, renvoient au roman d'Alexandre. Alors il s'agit donc d'une fête où des jongleurs chantent, c'est pas le cadre d'un enseignement, et chantent d'Apollouen, et d'El bien ténébré, d'El vieil Antiochus, de Porus et Doré, et d'El roi Alexandre, et d'El preux Ptolémée. Et puis, plus loin, Mout fut bien servi Charles et sa gent par mémoire, maint instrument y sonne, ce signifie gloire, et chante et vielle et conte d'Apollouan, d'Alexandre et de Dère, des chevaliers santuaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce chevalier santuaire? On ne sait pas, peut-être faudrait-il lire sans jouer, et dans ce cas-là c'est Saint-Georges, pas Jean-Ri, Jordi, etc. Mais on ne sait pas. Bon. Et enfin, voici la strophe du Cervantes de Bertrand de Paris en Rouergue, où apparaît Apollonius. Alors il y a deux manuscrits qui donnent des leçons très différentes, et là c'est le texte de l'édition critique de Pirot qui, pour ce passage, va très bien, est convaincante. Nino sabets presde giam de tideus candi tolclo castel, nino sabets las novas de trista, laissez las novas, probablement j'ai dû faire une faute, ni del rei Marc ni d'Absalon Nobel, d'Apollonui no cut sabiat sries, no cut sabiat res, ni d'Atlras no bofax qu'elle faisesse, nino sabets perque selet son non, polnices appalaes al prim somme. Alors là encore, sont des reproches à un personnage ignorant, et vous ne savez pas au sujet de Tidée comment, tout près du géant, il lui prit le château. Vous ne savez pas non plus les récits sur Tristan, ni sur le roi Marc, ni sur le bel Absalon. D'Apollonius, je ne pense pas que vous sachiez rien, ni sur les exploits qu'accomplit Adraste, et vous ne savez pas pourquoi Polynice cacha son nom devant le palais à l'heure du premier sommeil, et vous ne savez pas qui fit le saut de Tyr. Alors, Tidée, Adraste et bien entendu Polynice sont des personnages du roman de Thèbes, évidemment. La première allusion est un peu obscure, elle se réfère peut-être à la prise par Tidée du château de Montflore, mais on ne voit pas très bien ce que vient faire le géant. Les derniers vers rappellent la première rencontre de Polynice et de Tidée devant le palais d'Adraste, au moment où ils manquent se battre. Et quant au saut de Tyr dont il est question au premier vers de la strophe suivante, il ne renvoie pas à Apollonius, mais à Alexandre, qui, en sautant du haut de la tour de la ville de Tyr, ou du Beffroi, avait montré la voie à ses compagnons pour la conquérir. Donc c'est une référence au roman d'Alexandre. Mais il reste que le nom même de Tyr, il y avait bien d'autres épisodes à raconter ou à évoquer du roman d'Alexandre, et le nom de Tyr facilite l'association entre les deux héros antiques et les récits de leurs exploits. Et au milieu de tout cela, contrairement à ce que pense Pirot, il me semble certain qu'Absalon, surtout désigné comme le bel Absalon, est le fils du roi David et non le personnage de la chanson de geste de Flot au vent, ce qui me paraît une idée bizarre. L'association entre le passé antique et le passé biblique est naturelle, et en outre, il y a bien un point commun entre Absalon et Apollonius, et ce point commun, c'est d'avoir dénoncé ou puni un inceste et d'en avoir subi les conséquences. Vous savez que Absalon tue son frère Amon parce que Amon avait violé leur sœur Tamar. Donc il punit l'inceste, puis il s'enfuit, puis il est en guerre contre son père David, et vous savez que fuyant sur sa mule, sa belle chevelure s'accroche aux branches à la branche basse d'un arbre, la mule file, il reste accroché par sa chevelure, et un officier de David, Joab, je ne sais plus comment il s'appelle, arrive, lui coupe la tête et porte triomphalement sa tête à David, à qui il croit faire plaisir, et David est désespérément. Mais donc le lien est autour de cette histoire de la relation des deux personnages avec l'inceste. Ainsi, Apollonius de Tyr permet de faire le lien et d'établir une continuité entre les romans antiques et la matière tristanienne, puisque Bertrand de Paris en Rouergue cite aussi Tristan et le roi Marc. Et ce lien est un peu analogue à la continuité narrative qu'instaure le roman de Brut entre la matière antique et ce qui va devenir la matière arthurienne. De la même façon, Bertrand de Paris fait jouer ce rôle à Apollonius. Mais encore une fois, l'association d'Apollonius de Tyr avec les romans d'Antiquité n'a de véritable intérêt pour nous que si les poètes qui font ce rapprochement connaissaient Apollonius par le roman français, non pas par l'historien. C'est-à-dire, si Apollonius de Tyre prenait vraiment sa place à leurs yeux parmi les romans antiques. Et si Apollonius de Tyre était entré, grâce à ce roman, dans le fond littéraire vernaculaire. Si vraiment ils avaient lu le roman d'Alexandre français, le roman de Thèbes français et le roman d'Apollonius français, à ce moment-là, ces citations simultanées ont un sens, et un autre sens que si Apollonius, au milieu de tout le reste, renvoie à un texte latin. Or, et je l'annonçais tout à l'heure, nous avons pratiquement la preuve que c'était bien le cas. Et que ce qu'avaient lu ces auteurs, enfin il y en avait peut-être, ils avaient peut-être lu aussi l'Historia, ou il y en avait peut-être qui avaient lu aussi l'Historia, mais ces auteurs avaient lu le roman français, et à n'en pas douter, le roman dont il nous reste quelques vers. Voilà. Et cette preuve nous est apportée par le poème moral. Enfin, c'est un poème donc édifiant, une sorte de très long sermon en vers, de plusieurs milliers de vers, connu sous le nom de poème moral, et qui est lui aussi de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. Et nous lisons ceci, et c'est la dernière citation sur le transparent. Mais mieux vous vient oïr notre petit sermon que les vers d'Apollone ou d'Aïenne d'Avignon. Laissiez altrui oïr les beaux vers de Foulcon et ceux qui ne sont faits, ceux de vanité. Non. Mais il vaut bien mieux pour vous, il est plus profitable pour vous d'écouter notre petit sermon plutôt que les vers d'Apollonius ou d'Aïe d'Avignon, qui est une chanson de geste. Laissez les autres écouter les beaux vers de Foulque et les vers qui ne sont que des vers de vanité, hein, qui est l'expression traditionnelle pour désigner une poésie profane qui ne fait pas de bien à l'âme et qui peut lui faire du mal. On trouve ça ailleurs. Les vers d'Apollone ou d'Aïenne d'Avignon, les vers. L'auteur du poème moral connaissait donc Apollonius par un poème. Ce n'est pas à l'Historia qu'il se réfère, sinon il ne dirait pas les vers, elle est en prose. Et ce poème est certainement un poème français, puisqu'il l'associe à la chanson de geste d'Aïe d'Avignon. Je ne pense pas qu'il ferait le même type d'association, d'ailleurs ça vaut aussi pour les citations précédentes, si dans un cas c'est un poème latin, dans l'autre un poème vernaculaire. Et ce poème, c'est à coup sûr le roman français dont le fragment de Danzig nous a conservé quelques vers. Mais nous pouvons aller plus loin encore grâce au dernier, non pas chronologiquement, mais dans l'ordre de mes citations, au dernier renseignamen qui cite Apollonius, et je peux encore en parler, je terminerai là-dessus, c'est l'enseignement d'Arnaud Guillaume de Marsan, écrit vers 1175, soit probablement quelques années après celui de Guéraud de Cabrera. C'est un passage, pour ceux qui viennent au séminaire, que Anna Maria Babbi avait partiellement cité il y a 15 jours. Et Arnaud Guillaume de Marsan consacre à Apollonius un développement de plus de 30 vers que vous avez ici, dont je n'ai que le début, ensuite je ne vous donne que la traduction, d'Apollonue, alors ce sont des conseils, d'Apollonue se de tir sapchat scantar et dire, comme elle font periat, elle est tot son barnat, en mar perdet sa gens, totas cominalmens, etc. Sachez plutôt compter et dire d'Apollonius de Tyre comment il fit naufrage avec tous ses barons et perdit en mer ses gens tous d'un coup. Il resta maître de tout ce qu'il put sauver au prix de tous ses efforts et c'était seulement, il n'a pu rester sauvé que sa propre personne et c'est tout. Alors il gagna la terre où il fut obligé de chercher à manger pour pouvoir vivre comme un pauvre misérable. Tout cela, il l'endura à cause de l'amour, mais plus tard, il en reçut grand honneur, car amour lui rendit plus qu'il n'avait perdu, alors qu'il ne priait pas d'amour celle qui avait tant de valeur. Mais il la désirait beaucoup, même s'il ne lui adressait sa requête que par des propos délicats. Et par ces faits, il portait à son cœur de tels coups que la dame faillit en mourir. Il l'eut à sa merci, en fit tout son plaisir et redevint roi comme avant, puissant, riche et estimé. Alors, ce qui retient l'attention dans ce résumé, c'est que, alors que c'est un résumé très long, finalement, pour le type de texte où il est inséré, l'histoire d'Apollonius y est réduite à son naufrage et à ses amours avec la princesse de Cyrène, et plus encore le fait qu'il s'agit vraiment de ses amours. Alors que vous le savez, alors que dans l'Historia, il se laisse aimer et épouser sans faire le moindre effort en ce sens, et sans qu'on prenne la peine de nous renseigner sur ses sentiments à l'égard de la princesse. Enfin, il ne va pas refuser la princesse, mais on ne sait pas trop ce qu'il en pense. Le texte ne lui prête pas le moindre sentiment à l'égard de la jeune fille. Arnaud-Guillaume de Marsan reconnaît qu'il n'avait pas cherché de lui-même l'amour de la princesse, que « panon enqueria cella que mas valia », mais il le montre épris de la princesse et il le montre en train de faire une cour discrète. Ma Stanford l'encobi, ni Ancton l'enqueri, cabbelditz. Donc, cour délicate, mais enfin, il la désire et il fait ce qu'il faut et ce qu'il peut pour la conquérir. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Brufond. Présentation Christine Goémé. para ter meu dia de morrer. Mas se eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai nascer. Vou achar um novo amor, como tem sol, como jogar o meu braço. Vous écoutez France Culture au Festival d'Avignon a voulu cette année donner la parole à quelques-uns des metteurs en scène qui irriguent la scène contemporaine, les donner à entendre sous une forme inédite à travers leurs propres écrits et leurs journaux. Aujourd'hui, à midi, Rodrigo Garcia, en public au Musée Calvet, pour un texte inédit sur le théâtre, traduit de l'espagnol et lu par Nicolas Bouchot, en compagnie du metteur en scène. Demain, Histoire du spectacle inconnu, par Jean-Pierre Vincent. France Culture au Festival d'Avignon, écrit de metteur en scène, aujourd'hui, midi, Rodrigo Garcia, demain, Jean-Pierre Vincent, au Musée Calvet. Renseignements, dossier complet, franceculture.com. France Culture, partenaire. Le cycle Crémaster, 5 films du plasticien Mathieu Barnet. Nourri d'images ahurissantes, mélange de genres aussi divers que la comédie musicale, le western gothique et les légendes celtiques, le cycle Crémaster traite des différences sexuelles et de la masculinité. Œuvre polymorphe, manifeste coup de poing, 5 films à la fois indépendants et complémentaires. Le cycle Crémaster, en salle le 6 juillet avec France Culture et en collaboration avec le cinéma Utopia d'Avignon, pour une nuit Mathieu Barnet, jeudi 14 juillet à 18h. France Culture, partenaire. Dica scusi. Prego. Buonasera. Buonasera. Scusi tanto, lei non mi conosce, ma io sono delle assicurazioni generali della sicurezza, come si dice, ecco. Vengo adesso da Milano e scusi anzi l'orario fuori ora, ma ci risulta che voi avete una oreglia grigia con dentro crema Piolini Blu, è qui? No. Come no? La fille et la valise, non un film de Valerio Zurlini de 1961 avec Claudia Cardinal et Jacques Perrin. Ma allora non abita qui un certo Marchiori? Marchiori? Marchiori Marcello. Attirée par le succès, Aïda, jeune danseuse, se laisse séduire par Marcello, jeune homme de bonne famille qui se fait passer pour un impresario. Questo Marchiori ci sta o non ci sta? Pourtant, quand Aïda se présente à sa porte, une valise à la main, il la fait renvoyer par son jeune frère Lorenzo. Giuri. Lo giuro. Ce dernier, Attendri par les mésaventures de la jeune femme, décide secrètement de la protéger. Histoire d'amour. Oh, dis un peu. Parlo con te. Histoire de malentendus et de générosité. La fille à la valise, en salle le 13 juillet, à découvrir ou redécouvrir avec France Culture. Si gira, ma cire bizzaccola. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. Les chemins de la connaissance à 11h30. Ralentir travaux avec Frédéric Neff, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et qui a notamment publié Qu'est-ce que la métaphysique aux éditions Gallimard. 11h, fiction, feuilleton, les nouvelles confessions de William Boyd, toujours sur les traces de John James Todd, cinéaste. 14e épisode. La première partie des nouvelles confessions est projetée devant le public berlinois. Mais Todd est malheureux car sa maîtresse Dou Bogan quitte Berlin pour fuir la montée du nazisme. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire sur le thème commémoration évoque ce matin l'aspect international avec Olivier Hill, professeur.